Chapitre 7. Il faisait nuit. Elle avait son petit manteau d'hiver en drap de frise, ses sabots et un panier où elle avait glissé parmi son linge quelques œufs frais et le rameau béni des dernières Pâques. Elle ne savait pas au juste où était Paris, mais ayant vu tant de gens y aller et en revenir, elle ne craignait nullement de ne pouvoir le trouver. Bébé se rendit droit à la place du quartier Léopold, où les locomotives fument et grondent jour et nuit sur la voie ferrée. Des cloches sonnaient, des lumières s'entrecroisèrent rapides, avec de longs sifflements. La foule se pressait bruyante, affairée. « Pour Paris !» dit-elle avec un accent de prière, en suivant les autres voyageurs vers un guichet grillé. « 27 francs. Allons, vite !» lui répondit-on. Bébé demeura tremblante, atterrée. Elle n'avait jamais pensé à l'argent. Elle ignorait que la jeunesse, la force, l'amour, la bonne volonté, la prière ne comptent pour rien en ce monde-ci. Une inspiration lui vint. Elle détacha ses agrafes d'argent et les tendit à l'employé. « Voudriez-vous prendre ceci qui vaut beaucoup plus ?» On se mit à rire autour d'elle. La pauvre enfant restait le bras tendu, suppliante. « Emmenez-moi, de grâce, emmenez-moi. J'irai avec les moutons, avec les bestiaux. « Emmenez-moi seulement !» Mais le tumulte grossissait. Personne ne prit garde à elle, sauf un voleur qui lui arracha ses agrafes des mains et disparut dans cette cohue. Ce qui lui parut être un énorme animal passa devant elle, comme l'éclair, en soufflant par ses naseaux d'airain des tourbillons de flammes et de vapeur. Il y eut comme un roulement de tonnerre, puis tout rentra dans la nuit. Le train direct pour Paris venait de passer. Un instant, bébé demeura immobile, écrasé par ce bruit, ce désastre, cet abandon, ne pourrais-je donc partir sans argent ? Demanda-t-elle à l'employé. Celui-ci la regarda d'un air de surprise et de pitié. « Vous devez certainement savoir que c'est impossible, » dit-il en fermant son guichet. Elle sortit sur la grande place, le cœur endolori, mais non pas abattu. Ainsi, dit-elle à une vieille femme qu'elle connaissait un peu et qui vendait des jouets de bois à l'entrée de l'avenue, « il n'y a aucun moyen d'aller à Paris sans argent. » La vieille secoua la tête. « Il n'y a rien à faire au monde sans argent. »« Est-ce loin pour y aller à pied ?»« Loin, mon doux Jésus, c'est au cœur de la France, à 200 000 et plus, dit-on. Je ne connais que mon garçon qui soit allé à pied, et il est cordonnier. Il sait ce qu'il en coûte de marcher. Maintenant, il fait de bonnes affaires là-bas. Non pas qu'il me le marque par écrit. Quand ils n'ont besoin de rien, les gens n'écrivent pas. »« Votre fils est allé à pied, dites-vous ? » ?»« Eh oui, il y a une dizaine d'années. » Il n'avait que quelques sous et son bâton. Il a voulu tenter le sort. Après tout, nos pieds nous ont été donnés pour voyager. Si vous y allez et si vous le rencontrez, dites-lui donc de m'envoyer quelque chose. Je suis lasse du métier. Bébé s'éloigna, résolu. Puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen que de marcher, elle marcherait. La fatigue n'effrayait pas ses deux petits pieds, habitués à braver la poussière brûlante de l'été, les boues glacées de l'hiver. Mais combien, hélas, il faudrait de temps pour le rejoindre. Et il était malade, et elle le voyait dévoré par la fièvre. Bah, de bonnes âmes lui donneraient bien de temps en temps une petite place, sur une charrette. Le monde avait toujours été bon pour elle, jusqu'en ces derniers temps. Pour atteindre Paris en 15 jours, il fallait faire des étapes de 20 000. Elle en aurait la force. Bébé compta ses sous et ses œufs, en se disant qu'elle vivrait de cela. D'abord, elle avait pensé lui offrir les œufs, mais l'important était d'arriver à Paris. Elle fit une courte prière devant une petite chapelle au coin de la rue, essuya les larmes d'angoisse qui roulaient encore sur ses joues et prit bravement la grande route sud-ouest de Paris. La nuit était claire, étoilée. Bébé fit 10 000 sans aucun effort, bien qu'elle n'eût jamais été aussi loin de sa vie qu'une fois, à la kermesse de Malines. Avec le mouvement et la pensée que ce mouvement la portait vers Lionel, il lui revenait quelque chose des 12 visions d'autrefois. Elle souriait aux étoiles, et les peupliers agités par le vent lui faisaient l'effet des ailes et des épées d'une armée d'archanges. La route traversait la forêt, elle y était à l'aise et rassurée, comme les fauves eux-mêmes. À Boisfort, ce fut différent. Les restaurants en plein air, les tonnelles ouvertes aux amateurs d'excursions champêtres, et devant lesquelles stationnaient des chars à bancs égayés de grelots, lui rappelaient trop vivement cette journée funeste et délicieuse où il l'avait embrassée pour la première fois. Elle frissonna et se mit à courir jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé la solitude. Minuit sonnait quand elle atteignit le vieux prieuré en ruine de Groenendael. Le village tout entier dormait. Elle avait froid, elle était lasse. Cependant, elle n'osa frapper à aucune porte et continua son chemin sans faire de mauvaises rencontres. Tout au plus, Quelques rares passants, prenant cette petite forme grise qui trottait dans deux petits sabots pour une paysanne des environs qui se rendait à la foire, lui souhaitèrent-ils une bonne nuit en flamand. Quand l'aube commença de blanchir les plaines à l'Orient, elle fit halte sous un hangar rempli de trèfles et y dormit 2 heures. Mais elle se hâta ensuite de baigner son visage au ruisseau voisin et de déjeuner d'un sou de lait dans la première chaumière qu'elle rencontra pour reprendre sa route au plus vite en récitant son chapelet. La forêt l'entourait toujours avec ses 1000 chansons d'insectes et d'oiseaux. Non, Dieu ne le laisserait pas mourir, avant du moins qu'elle ne l'eût embrassé pour mourir avec lui. À Rixensart, enfouie dans la verdure, des paysannes lui proposèrent avec bonté de partager leur repas et remarquèrent entre elles qu'elle avait l'air d'un petit Jésus, réconfortée tantôt par un peu de nourriture et une bonne parole, tantôt par quelques heures de repos dans une étable, tantôt par ses propres pensées, car l'espoir seulement de toucher la main de Lionel, d'entendre sa voix, faisait vibrer dans son cœur comme un chant d'alouette. Elle arriva, passant par Otigny, La Roche, Villers, Tilly, Ligny, Fleurus, aux champs de fer et de charbon qui entourent Charleroi. Là, elle demeura consternée devant la sombre et bruyante laideur de ce qui lui parut être l'enfer, cette épaisse poussière pareille à de la suie, ces mineurs, ces verriers, ces cloutiers nus, aves et noix, le blasphème à la bouche, ces femmes qui n'avaient plus figure de femme, ces enfants déguenillés qui hurlaient ou qui lâchaient leurs chiens après elles, le fracas qui résulte de l'activité incessante de 80 000 ouvriers. Tout cela ne ressemblait à rien qu'elle connût. Elle préféra ne pas dormir cette nuit-là plutôt que de pénétrer dans aucun de ses antres, et lorsque Charleroi fut derrière elle, il lui sembla, pauvre fille, avoir vieilli de 10 ans, depuis l'époque où elle filait paisible dans son petit jardin. La vue même de la vallée de la Sambre ne ranima guère ses forces épuisées par le manque de sommeil et de nourriture. Elle n'osait dépenser trop vite son mince trésor et se serait fait scrupule de mendier. D'ordinaire, cependant, on était bon pour elle. La voyant si jeune et si pauvre, on lui eût donné l'hospitalité si elle eût voulu s'arrêter. Mais comment aurait-elle cédé à la fatigue, dans l'ignorance où elle était, de ce qu'il devenait à Paris? Tout au plus, faisait-elle halte dans les églises de village, le temps de prier pour lui? Ses petits sabots étaient si usés qu'à travers, les pieds sentaient la chaleur de la route. Quand elle atteignit la frontière, elle crut voir tout le pays qu'elle venait de parcourir tournoyer autour d'elle. Cet étourdissement se dissipa, chassé par une nouvelle angoisse. Le pire de tous les obstacles, le plus imprévu, le plus incompréhensible pour elle, était encore à surmonter. Elle n'avait point de papier, on la repoussait comme une criminelle. Bébé ne savait rien de la loi, mais elle comprit vaguement qu'il lui était défendu d'entrer en France, et se laissa tomber sous un arbre avec des sanglots de désespoir. Pourquoi ne passerait-elle pas? C'était la même route, les mêmes haies, les mêmes maisonnettes blanches, les mêmes paysans en blouse bleue, les mêmes attelages de bœufs. Elle ne voyait point de séparation, point de différence. Et ces hommes lui disaient qu'elle était en Belgique, qu'ils étaient en France, qu'elle ne passerait pas. Cette déclaration faite, ils lui tournèrent le dos. Les nuages blancs continuaient à voyager vers le sud, mais elle pouvait mourir ici, tandis que lui mourait là-bas. Nul ne s'en souciait. Un colporteur passa cependant, chargé d'horloges de la forêt noire. Il s'arrêta pour lui demander ce qu'elle avait. Aussitôt, elle fut à genoux devant lui. « Venez à mon secours, ayez pitié de moi. Je suis venue à pied de Bruxelles, mon pays, et les soldats refusent de me laisser passer parce que je n'ai pas de papier. Quel papier ? Je n'ai jamais fait de mal. Je ne dois un sou à personne. J'ai marché tout le temps. Est-ce de l'argent qu'ils veulent ? Je n'en ai pas. On m'a volé mes agrafes. Et si je n'arrive pas enfin à Paris, je ne le reverrai plus jamais, grand Dieu !» Ses cris, ses larmes touchèrent le colporteur, qui avait vu des gens de toutes sortes et savait reconnaître la vérité du mensonge. « Levez-vous, » dit-il tout bas, « et je vous ferai passer. C'est contre la loi, je risque d'être mis en prison, tant pis. Ma fille est restée à Marbois, avec un amoureux. Son nom et son signalement serviront pour vous. Je ne sais pas quelle est votre peine, mais elle est grande, et vous êtes gentille, pauvre petite. Debout, suivez-moi. Pas un mot, surtout. Il faut que l'on vous prenne pour une Allemande, muette comme souche. » Elle obéit, ne comprenant rien, sauf qu'il était bon et qu'il la ferait passer en France. Alors le bonhomme joua fort bien une petite comédie pour tromper les douaniers. la grondant d'avoir perdu son chemin, de n'être pas restée avec lui, de pleurer comme une sotte. Les douaniers regardèrent bébé tout juste assez pour plaisanter le prétendu père sur sa jolie figure, examinèrent les papiers et les laissèrent passer tous deux. « Maintenant, dit le colporteur, ne me remerciez pas et ne faites pas mine de me quitter. Nous sommes encore trop près de la douane. Racontez-moi votre histoire plutôt. » Mais bébé ne pouvait parler ni de lui ni d'elle-même, et son silence offensa le colporteur, qui l'appela ingrate, en regrettant, disait-il, de ne l'avoir pas abandonnée à son sort, ce qui ne l'empêcha pas, après l'avoir rudoyée, de lui glisser de force une pièce d'argent dans la main lorsqu'il se sépara d'elle sur le chemin de Saint-Quentin. Ce chemin était plat et triste, mais d'un aspect qui lui rappelait son Brabant natal. Elle était à bout de force, mais elle se sentait en France, dans sa patrie à lui. Dieu était bon. Cependant, bébé avait parfois le vertige, le sol semblait trembler sous ses pas, ou bien elle s'éveillait en sursaut dans des lieux inconnus, croyant voir la vieille Marie. Mais Marie ne pouvait lui faire de mal, elle n'avait pas peur. Jamais, en somme, depuis le soir où il lui avait dit adieu, elle n'avait été aussi heureuse. À mesure que son corps devenait plus faible, son imagination s'exaltait. Elle se rappelait nettement tout ce qu'elle avait appris dans les livres. Certes, auprès de lui, elle allait être encore bien ignorante, un peu moins pourtant. Elle se promettait de lui faire la lecture, elle se voyait à genoux devant lui, le soignant, le servant, l'adorant, trop récompensée s'il daignait seulement l'effleurer de ses lèvres. Les pensées de bébé n'allaient pas au-delà. Quand l'amour atteint ce degré de ferveur, il ne se souvient que de lui-même, le reste cesse d'exister. Quiconque se rappelle le monde extérieur peut jouer avec la passion ou s'amuser du sentiment. Il n'aime pas. Bébé n'entendait rien de ce qu'on lui disait, n'avait point conscience de ce qu'elle faisait, sauf de marcher toujours, sur la route qui se déroulait comme un interminable ruban pâle. Dans ses yeux bleus finit par s'allumer une flamme intense qui effrayait ceux qui la rencontraient. Ils la croyaient prise de fièvre ou folle. Sa jupe était déchirée par les ronces, tachée par toutes les intempéries des saisons. Elle n'avait soin que de ses boucles blondes auxquelles il tenait tant, et sur lesquelles il promènerait bientôt sa belle main effilée. 15 jours après celui où elle avait quitté son village, bébé vit Paris resplendir au soleil. Le moyen de se reposer maintenant si près du but, ses oreilles bourdonnaient, sa tête était alourdie par une douleur persistante. Quelqu'un qui cueillait des cerises dans un jardin de banlieue lui demanda « Êtes-vous malade ?» Bébé répondit avec un radieux sourire « Je ne sais pas, je suis contente. » Il y avait 24 heures qu'elle n'avait mangé, quand elle passa une rivière dorée par le soleil couchant. Paris l'environnait dans sa gloire, mais le pigeon qui regagne son pigeonnier ne regarde pas autour de lui. Personne ne fit attention non plus à cette petite paysanne qui portait sur l'épaule un paquet au bout d'un bâton. Il en vient tant d'autres à Paris, chercher fortune, trouver la honte ou la misère. Bien qu'elle ne regardât rien, bébé aperçut quelques paquets de roses mousseuses qu'une bouquetière vendait sur le quai, comme elle avait vendu les siens devant la maison du roi. Il ne lui restait que 2 sous. Elle acheta 2 de ces petits boutons que Lionel avait aimés. La bouquetière lui indiqua la rue qu'elle cherchait. Il lui semblait maintenant avoir des ailes et entendre autour d'elle une délicieuse musique. Bébé tira son chapelet de sa poche et dit rapidement quelques ave d'action de grâce. La nuit était venue quand elle entra dans la maison de Lionel. Elle prononça son nom à voix basse, comme si c'eût été une chose sacrée qu'on ne pouvait nommer tout haut. Le concierge lui indiqua l'étage et se mit à rire en écoutant ses sabots claquer languissamment sur les marches. Elle en compta 10, 20, 30, 40, 3 étages enfin. Il faut qu'il soit bien pauvre, pensa-t-elle, pour demeurer si haut. Et cependant la maison était belle, on eût dit un palais. Le cœur de bébé battait si fort qu'elle était comme suffoquée. Ses membres tremblaient. Elle avait devant les yeux un brouillard rouge, mais elle remerciait Dieu à chaque marche. Encore un instant, et elle verrait le visage du seul être qu'elle aimât au monde. « Comme il sera content !» se répétait-elle, pour combattre une inquiétude éveillée pour la première fois. Ne le fut-il pas? Qu'importait, après tout, puisqu'elle était malade, elle serait là pour le soigner. Et quand il guérirait, s'il lui ordonnait de s'en aller, eh bien, on pouvait toujours mourir. Elle était devant la porte, elle sonna, la porte parut s'ouvrir d'elle-même, et n'apercevant personne, elle avança. Elle vit des lampes allumées, elle respira des parfums lourds, Étrange, il y avait dans toutes les chambres une profusion de tapisseries, d'armes, de vieux tableaux qu'elle trouva tristes et magnifiques. Le clic-clac de ses sabots était étouffé par l'épaisseur moelleuse des tapis. Non, ce n'était pas la demeure d'un homme pauvre. Une terreur profonde la glaça. Au bout de la troisième chambre, elle se trouva devant un rideau qu'elle écarta timidement. « C'est moi, bébé, » dit-elle, en tendant les deux boutons de rose mousseuses. Les paroles moururent sur ses lèvres. Elle demeura immobile, rivée au sol. Une grande chambre, éclairée à demi, lui était apparue comme en rêve. Étendue sur son lit, le coude enfoncé dans un oreiller de dentelle, il jouait aux cartes. Des femmes parées, dont les cheveux flottaient artistement crêplés sur des épaules nues, des hommes qui riaient et qui buvaient entre eux, faisaient cercle autour du lit, et plus rapprochés de lui que les autres, son bras superbe, auquel s'enroulaient des anneaux d'or, passés autour du cou de Lionel, Bébé vit surtout, dominant toute cette scène, une belle créature brune et rieuse qui lui fit l'effet de quelques serpents veloutés. Des nuages de fumée, des éclats de voix joyeuses et perçantes, l'odeur du vin et des fleurs troublèrent ses sens. Elle restait là, pétrifiée, ses boutons de rose à la main. Soudain, elle les laissa tomber et avec un cri déchirant se détourna. Lionel, à ce cri, avait levé la tête. Il la vit et poussa un sourd blasphème en secouant l'étreinte de la courtisane qui l'enlaçait. Mais bébé était déjà loin. Elle avait fui à travers les salons vides et l'escalier comme un lièvre devant la meute. Elle courait maintenant le long des rues éclairées. Elle continua toujours ainsi jusqu'à la rivière et arrivait au bord quand un bras d'homme vigoureux la saisit, l'arrêta. La malheureuse luttait contre lui. « Laissez-moi mourir, laissez-moi » criait-elle, s'élançant de toutes ses forces vers l'eau silencieuse qui semblait l'attendre, puis elle perdit connaissance. Lorsqu'elle revint à elle, le visage de Jeannot était penché, tout humide de larmes, sur le sien. Il était parti pour Paris, en apprenant sa disparition du village. Il l'attendait depuis de longs jours à la porte de la maison de Lionel. Bébé recula en frissonnant, et l'œil, sec, égaré, « Ne me touche pas, emmène-moi » ce fut tout ce qu'elle lui dit. Elle ne parut jamais remarquer comme un fait étrange qu'il se fût trouvé là, au bord de l'eau. De son côté, il ne lui adressa aucune question et l'emmena, puisqu'elle le voulait. Dans le wagon, elle se tenait droite et muette. L'expression de son visage effrayait Jeannot. Quand il voulait la toucher, elle se rejetait en arrière, tremblante. Le pauvre brûleur de charbon finit par se blottir dans un coin pour pleurer comme un enfant, le visage caché entre ses mains. Cette affreuse nuit se passa de la sorte. Elle ne comprit rien de ce qui lui arrivait, jusqu'à ce que, entrant vers l'aube dans son petit jardin, elle entendit le sansonnet crier « Bonjour, bonjour !» Même alors, elle promena autour d'elle des regards effarés, sans prononcer une parole. Ces 16 jours, étaient-ils un rêve? Elle n'en savait rien. Les femmes du village que Jeannot appela s'empressèrent d'accourir en déplorant la dureté dont elle s'était rendue coupable. Elles la déshabillèrent, la mirent au lit. Bébé les laissa faire. Tout ce que put raconter Jeannot fut qu'il l'avait trouvée à Paris et qu'il l'avait empêchée de se noyer. Les voisines se reprochèrent entre elles de lui avoir fermé leurs portes et leurs cœurs. En admettant qu'elle eût été coupable, elle était si jeune. Les trous dans les semelles des petits sabots les touchaient profondément. Qu'avait pu voir la pauvre petite dans ce terrible Paris qui l'eût changée à ce point? Elle ne s'en doutait pas. Bébé n'en parla jamais. Le coq chantait gaiement au soleil, les abeilles bourdonnaient dans les poiriers fleuris, les feuilles jetaient sur le sol leur ombre capricieuse. Tout était exactement de même que l'année précédente où bébé s'était éveillé dans la joie d'avoir 16 ans. Mais bébé, inerte, sur son petit lit, ne paraissait reconnaître personne. Jeannot resta tout le jour assis sous la porte, auprès du rouet abandonné. La mère Krebs la gardait, le vieux Jehan murmurait sans cesse, « Morte aussi !» Le soleil allait se coucher quand bébé, se soulevant, appela tout à coup. On courut vers elle. « Allez me chercher un bouton de rose, de ceux qui ont de la mousse, » dit-elle. On lui en apporta un tout humide de rosée. Elle le baisa et le coucha dans un de ses petits sabots. « Vous lui enverrez cela, » reprit-elle, épuisée. « Vous lui direz que j'ai marché tout le temps. » Sa tête retomba, la vie s'éteignit de nouveau sur ses traits. Les voisines avaient laissé le bouton de rose dans le sabot sans comprendre ce qu'elle voulait dire. La nuit venue, Jeannot était en prière à la chapelle des Sept Douleurs avec le curé. La mère Krebs dormait sur sa chaise. Elle était vieille et avait beaucoup travaillé. Une seconde fois, Bébé regarda autour d'elle. Bébé ne vit pas sa petite maison remplie des objets familiers qui lui avaient été chers. Elle ne voyait que cette femme brune et hardie, un bras passé autour de son cou. Ses deux pieds se posèrent à terre, ses jolis pieds qu'il avait voulu vêtir de bas de soie. Pauvres petits pieds, elle les plaignait, ils l'avaient si bien servi, ils étaient si lents. Son corps, son cerveau lui faisaient mal. Elle baisa le bouton de rose une fois de plus et le remit dans le sabot, en pensant qu'elle était dans une grande ville, bruyante, insensible, avec la rivière tout près et ses rêves morts qui s'en allaient à la dérive, tandis que cette femme l'embrassait, lui. En un instant, elle fut debout. La porte sur le seuil de laquelle elle avait filé et chanté pendant 1000 heureux jours était ouverte. Les lys se balançaient au vent. Elle ne les reconnut pas. Tout ce qu'elle voyait, c'était cette femme qui l'embrassait. Là-bas s'étendait la pièce d'eau, l'eau douce et calme, assombrie par l'ombre des noisetiers et des saules, où les cygnes dormaient dans les roseaux, où se berçaient les larges nénuphars. Mais elle prenait cette eau amie pour la cruelle rivière de la ville étrangère. Et elle sortit dans les allées familières à son enfance. Elle courut faiblement parmi les buissons, se croyant toujours au milieu des rues de Paris. « Il n'a pas besoin de moi !» disait-elle aux étoiles. « Il n'a pas besoin de moi ! D'autres femmes sont là pour l'embrasser. » Puis, avec un petit cri tremblant comme celui de l'oiseau qui reçoit du plomb dans l'aile, elle demeura une minute en suspens au-dessus de l'eau et lui tendit les bras. « Il n'a pas besoin de moi, et je suis si lasse, mon Dieu !» Elle se pencha en avant, telle qu'un enfant fatigué qui se traîne vers sa mère, et laissa les eaux vertes et profondes la reprendre, où naguère on l'avait trouvée souriante parmi les nénuphars. Là, elle reposa, bientôt paisible, le visage tourné vers les étoiles. Elle n'avait été que bébé. Les voix de ce monde s'étaient trouvées trop rudes pour elle. Quand les messagers de Lionel arrivèrent ce jour-là, ils ne purent que lui reporter un bouton de rose mort et une paire de petits sabots percés par la marche. « Quelqu'un m'a aimé une fois, » dit-il aux femmes qui s'étonnent de voir ses sabots chez lui. Fin de Deux petits sabots par Ouida.